بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بإذن الله تعالى اليوم سنخوض المسألة 43 ورابع 40 إن شاء الله تعالى donc on va poursuivre inshallah avec les deux nouvelles questions toujours dans le qism dans la partie de التوحيد والعقيدة فقال المؤلف حفظه الله تعالى فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع فقول ثلاثة أنواع أولا التوسل بأسماء الله وصفاته والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ثانيا توصل العبد لله تعالى بعمله الصالح والدليل قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومن السنة حديث والثلاثة الذين انطبقت عليهم السهرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا طيب فالترجمة لا 43e question qui est s'il te dit combien y a-t-il de sortes d'intercessions légiférées يعني هنا intercession c'est pas شفاعة là c'est tawassul بمعنى tawassul dit trois types l'intercession par les noms d'Allah et ses attributs Et la preuve est la parole d'Allah Azzawajal dans le sens où il dit « Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le par eux. » Et sa parole, Azzawajal, « Et fais-moi rentrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs pieux. » Adil Oula. Deuxièmement, l'intercession du serviteur d'Allah, Azzawajal, par son action pieuse, les bonnes œuvres. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Ceux qui disent « Seigneur, Nous avons cru, pardonne-nous donc nos péchés, épargne-nous le châtiment du feu. Et sa parole, Jalla fi'ula, Seigneur, nous avons cru en ce que tu as descendu, nous avons suivi le messager, écris-nous donc parmi les témoins. Et dans la sunna, le hadith des trois hommes qui étaient dans la grotte qu'un rocher en tombant avait bloqué, c'est-à-dire l'entrée. Chacun d'entre eux a alors intercédé par son action la plus sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Apporté par le Bukhari et Muslim, d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Et troisièmement, l'intercession par la vocation d'un homme pieux. Et la preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik, qui a dit, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le sermon, un homme vint et dit, « Ô messager d'Allah, la pluie ne tombe pas, invoque Allah afin qu'il fasse pleuvoir. » Il invoqua et il plut. Donc là, c'est la première des deux questions qu'on prend aujourd'hui, qui est la 43e du livre, qui est « At-tawassul ». Ce qu'on appelle l'intercession. Et non pas Al-Shafa'a, qui elle aussi est traduite par intercession, mais c'est un autre sens. Là, Al-Tawassul, l'oratan, yani bil-oral arabiya, bimana Al-Takarrub il el-Matloub. Ou Al-Tawassul ilayhi bi-Rahba. C'est le fait de se rapprocher par la chose désirée et d'y parvenir avec convoitise. Et Ibn Athir, dans son livre Nihaya, قال الواصل الراغب والوسيلة القربة الواسطة وما يتوصل به إلى الشيء يتقرب به. C'est-à-dire Ibn Athir, qui a fait dans son livre Nihaya, il explique les mots compliqués dans les hadiths. Il y a ni tous les sens qu'il a sortis, qu'il a évoqués, reviennent au sens du rapprochement et de la convoitise envers la chose et le moyen. C'est-à-dire, trouver un moyen de te rapprocher de la chose que tu convoites, que tu souhaites. Ava. Donc dans le verset en premier que le Shir a cité, Walilail Asma al Husna fad'uhu biha. Certes, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec. Shir d'Al-Raqib rapportait une parole de l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir. Il dit à propos de ce verset qu'en fait, fad'uhu biha, invoquez-le avec, c'est-à-dire avec ses noms. Il met l'accent sur le fait que cette invocation rentre dans du'a al-mas'ala wa al-ibadah, dans les deux formes de du'a, c'est-à-dire le du'a, l'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. La différence entre les deux, on les a appris dans Usul Salafa. L'invocation de la demande, c'est le fait de demander, comme quelqu'un qui lèverait ses mains et dirait Allahumma irfil li fa'innaka ghafur rahim. Il lève ses mains et dirait « Oh Allah, pardonne-moi, car tu es certes pardonneur et miséricordieux. » Mathalan. « Wa du'a al-ibadah » c'est tout simplement un acte d'adoration que l'on fait, car par cette adoration, on souhaite justement quelque chose d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme la salat, comme le siyam, comme le hajj. Ce sont des adorations en apparence gestuelle ou financière ou dans le cœur, mais par ces adorations-là, on cherche quelque chose envers Allah, c'est-à-dire avoir son agrément et obtenir son pardon. Donc c'est un talab, c'est un doa, c'est une invocation également. Mais elle est moins directe que l'autre. Donc cette invocation, ce tawassul, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dans les deux sortes d'invocation. Al-mas'ala ou al-ibada. Elle rentre dans les deux. Ou al-muhim, qu'il dit que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose, on l'invoque avec le nom qui convient. Mathalan, lorsqu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala pour sa miséricorde, on va utiliser le nom Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mathalan, taqul Allahumma aghfirli wa rahamni innaka antal ghafur rahim. Oh Allah, pardonne-moi et fais-moi une miséricorde car tu es certes le pardonneur et miséricordieux. Quand on veut la miséricorde d'Allah, on appelle par son nom qui convient Ar-Rahman, Ar-Rahim. Au pont, la tawba, le repentir, taqul wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim, et accepte mon repentir, car tu es certes le grand accepteur du repentir et le miséricordieux. Aw taqul warzuqni ya razzaq waltufni ya latif wa nahwa dhalika. Ou accorde-moi la subsistance au grand pourvoyeur, la subsistance au razzaq. Quand tu fais un dua, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec le nom qui correspond, qui va avec. Il y a plein de preuves par rapport au tawassul biasmillah وبصفاته كما جاء في القرآن قال الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Il dit oh Allah accepte de nous car tu es certes le parfaitement audient et l'omniscient. Dans ce dua là tu demandes à Allah qu'il accepte de toi car il a entendu ce que tu as dit et il sait ce que tu as fait. وكذلك وقول ربي اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. Et dit oh Allah, oh Seigneur, pardonne et fais miséricorde, tu es certes le meilleur des miséricordieux. Voilà les dhalika. Et dans la sunna, d'autres preuves également sont venues. Comme par exemple, du'a istikhara. Dans du'a istikhara, dans le hadith de Jabir rapporté par al-Bukhari, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astakdiruka bi'kudratik, wa as'aluka min fadlik al-azim. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبُ. C'est ce qu'on dit au début du dua. On dit, oh Allah, je te consulte par ta science et je te demande par ta grâce immense. Car certes, toi tu peux et moi je ne peux. Car tu sais, je ne sais pas. Car tu es le grand savant de l'invisible. Et après, on demande, on continue les dua et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapproche de ce qui est bien pour nous et de ce qui est loin de ce qui est mal pour nous. Au début du dua, on commence par quoi ? Atawassul bi asma'ihi wa sifatihi. Bi ilmi, par sa science. Wa anta alam le ruyub, tu es le grand savant de l'invisible, par ses plus beaux noms. Akaza. Wa kazalika ja fi Mustan Ahmed, hadith Ammar ibn Yasir, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, Allahumma bi ilmik al-ghayb wa kudratik ala al-khalq, ahini ma'alimta al-hayata khayrun li, wa tuwaffani in kanat al-wafatu khayrun li. Que selon Yasir, ou selon Ammar ibn Yasir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, par ta science de l'invisible, ton omnipotence sur ta création. Fais-moi vivre tant que la vie est bonne pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Donc là, il est invoqué par quoi? Par sa science et par sa kudra, son omnipotence. جاء كذلك في مسند أحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. صلى ابن مسعود que le prophète محمد صلى الله عليه وسلم a dit: Oh Allah, je te demande par tout nom qui est le tien, par lequel tu t'es nommé toi-même, que tu as fait descendre dans ton livre, que tu as enseigné à n'importe qui dans ta création, ou que tu as gardé auprès de toi dans le sens de l'invisible. Et ça, c'est ce hadith vient pour renforcer le hadith, le dars qu'on a pris précédemment, que les noms d'Allah ne sont pas délimités à un nombre. La preuve, ce hadith dit bien, ou un de tes noms que tu as gardé auprès de toi dans le sens de l'invisible, c'est-à-dire des noms que Allah ne nous a pas enseignés, qu'on n'a pas connus. Ce qui prouve que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sont plus que 99. Donc toutes ces preuves viennent démontrer que parmi les moyens de tawassul mashru', l'intercession légiférée, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs. Et comme on l'a dit, comme l'a dit l'imam Sa'adi, on donne le nom et l'attribut qui correspond à la situation. Après, deuxième forme, qui est le fait d'invoquer par les œuvres pieuses. Et le hadith qu'il cita comme preuve, c'est le hadith des trois hommes qui étaient partis, qui sont partis en voyage, et que ils sont entrés dans une caverne, et de là, un rocher est tombé et a bouché la caverne. Et chacun, pour que le rocher puisse bouger, car ils savaient qu'ils étaient bloqués et que seul Allah pouvait les secourir, ils se sont dit: L'anjikumullahu biyada sakhr hatta tadwa bi salih a'malikum. Que Allah ne vous délivrera pas de ce rocher pour que vous n'invoquerez pas avec vos œuvres pieuses. Donc chacun invoqua. L'un d'entre eux invoqua pour la bienfaisance qu'il a fait preuve envers ses parents. Un autre, alors qu'il était sur le point d'avoir des rapports avec la femme qu'il aimait le plus au monde, mais de façon illicite. Et au dernier moment, il l'a laissé alors qu'il pouvait le faire. Il lui a délaissé l'or qu'il avait donné. Qu'elle avait donné de l'or en échange, il l'a laissé partir et l'or avec. Et le troisième qui avait engagé des gens pour travailler pour eux, et que l'un des ouvriers était parti et n'avait pas pris sa paye. Cet homme a donc investi cet argent et en a tiré beaucoup de bénéfices. Et lorsque l'ouvrier est revenu, il lui a demandé son argent, il lui a rendu tout l'argent et tous les bénéfices qu'elle a avec. Alors qu'il aurait pu juste lui rendre le capital. Il lui a tout donné. Et de là, le rocher s'est dégagé, ils ont pu sortir. Donc toute œuvre pieuse est un moyen de tawassul vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre pieuse qui a été faite sincèrement pour Allah est un moyen de pouvoir s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala lors des doigts. Et j'avais demandé à un de nos mashayikhs, à Demej Lafaïda, est-ce que il est permis de faire tawassul avec la même œuvre? Par exemple, tu as une œuvre en particulier que au fond de toi tu sens que tu l'as fait avec sincérité. Et tu te demandes Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps par cette œuvre. Il a dit tu peux répéter avec la même œuvre. Cette œuvre-là, tu peux la répéter. Avec ta foi, avec tes salawat, si tu les fais bien, avec ton suivi de la sunna, comme dans les versets où cela est venu, avec ta foi au messager, au livre, ou à les alika. Et troisième genre de tawassul, par l'invocation de l'homme pieux. Et chez cet justement, la preuve de cet homme qui demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour eux, pour que la pluie puisse descendre. Il fut également apporté Aywa marawa l'imam muslim an Usayr ibn Jabir qala kana Umar ibn Khattab idha ata alayhi amdad ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir hatta ata ala Uwais fa qala anta Uwais ibn Amir qala na'am qala min muradin thumma min qarnin qala na'am qala fa kana bika barasun fa bara'ata minhu illa mawdu' dirham qala na'am قال لك والده قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم مويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن وكان به برص فبرأ منه إلى موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لبرأه وإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي واستغفر له. Que Omar ibn Khattab, dès que des gens du Yémen venaient, il leur demandait est-ce que Uwais ibn Amir est avec vous. Yani Uwais est corné. Jusqu'à ce qu'un jour il le trouva. Il lui dit tu es Uwais ibn Amir? Il dit oui. Il dit tu es de Mourad et de Korn? Il dit oui. Il dit tu avais une maladie du boros, une maladie de la peau. Une maladie de la peau. Tu as été atteint du boros, puis tu en étais guéri à part une partie infime de ton corps. C'est-à-dire l'équivalent d'un dirham, une pièce de dirham. Il a dit oui. Il dit, tu as une mère? Il dit oui. Il dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que Uwais ibn Amir viendra avec vous des gens du Yémen, de Mourad et de Korn. Et qu'il avait une maladie de la peau, dont il était guéri à part une partie infime de sa peau. Il a une mère avec laquelle il est très bienfaisant. Donc il dit, si jamais tu peux le demander, qu'il demande pardon pour toi, alors fais-le. Donc de là, Omar, radiallahu anhu, a demandé à Uwais de demander le pardon d'Allah pour lui. Ce que Uwais fit. Donc là, c'est encore une preuve qu'il est permis de demander l'invocation pour toi par le biais d'un homme pieux. Et Omar ibn Khattab était l'homme le meilleur des hommes après Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui est le meilleur des hommes lui après l'Anbiya. Et malgré cela, il a demandé à Uwais. Et Uwais, c'était un tabi'i. Ce n'était pas un sahabi. Il a été dit qu'il était le meilleur des tabi'i. Mais هذا كان في باب الفضل, par rapport au mérite dans l'adoration, l'ascétisme et le zalika. Mais par rapport à la science, le meilleur des tabi'in dans la science, Saïd ibn Musayyib rahmatullah alayhi majma'in. Également, il fut rapporté de Muawiyah radhiyallahu anhu qu'il ait fait l'istisqa, demande de l'appui par le biais de Biyazid ibn Aswad et Jurashi. فقال اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيلنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد ابن أسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يدي ورفع الناس أيديهم فسقاهم الله حتى كاد الناس لا يبلغوا منازلهم رواه ابن عساكر الإمام الألباني. Donc Muawiyah, comme cela fut rapporté authentiquement de lui, radiallahu anhu, qu'il a dit, il a fait un dua, istisqa, demande de pluie, en disant, ô Allah, nous demandons l'intercession auprès de toi, aujourd'hui, par le meilleur entre nous. Ô Allah, nous te demandons cela par le biais de Yazid ibn al-Aswad et Jurashi. Donc il dit après à Yazid, ô Yazid, lève tes mains vers Allah. Il leva ses mains et tous les gens levèrent leurs mains. Et ensuite Allah fit tomber la pluie, à tel point que les gens n'avaient même plus à rentrer chez eux. Et le hadith, il est authentique. Du moins, le affar est authentique. Donc c'est une preuve que les sahaba, radiallahu anhum, également ont agi de la sorte. Et ça, c'est pour, en guise de réfutation, d'ambiguïté que certaines personnes ils ont aujourd'hui, du fait qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du rang de leur prophète, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. كأنهم يقولون اللهم بحق نبيك أو بجاه أو بقدره عندك عفاني وعفو عني مثلا. Comme s'il disait, oh Allah, par le droit de ton messager, ou par son rang, ou par son statut auprès de toi, alors préserve-moi et pardonne-moi. Donc ce genre de dua, ce sont des dua qui ne sont pas permis. Car là, c'est un tawassul qui n'est pas mashrou'. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus vivant. Et également, on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses créatures. Hormis en demandant l'intercession à une personne qui est vivante et qui est de mérite. Mais par le rang d'une personne, tu ne peux pas. Les sahabas ne l'ont pas fait. Les sahabas ne l'ont pas fait. Ou les gens qui également demandent Allah par le biais des awliyais après leur mort. Kanaum yakulun Allahumma bijah al-awliyais was-salihin. Mathalan, mis le foulain ou foulain ou foulain. Il dit, oh Allah, par le statut des alliés, des rapprochés et des gens pieux, comme un tel et un tel et un tel, fa'arhamni, mathalan. Ben ça aussi, c'est pas permis. Ça ne rentre pas dans le genre de tawassul qui est légiféré. Donc là, on a pris les trois genres de tawassul qui sont le premier, par l'Allah et ses attributs. Le deuxième, par les bonnes actions. Et le troisième, par l'invocation d'une personne pieuse vivante. Une personne pieuse et qui est vivante. Naam. قال المؤلف حفظه الله تعالى فإذا قيل لك هل في الدين بدعة حسنة فقل كل بدعة ضلالة والدليل حديث العرباد المذكور برقم 19 وفيه كل بدعة ضلالة وحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرج مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضتكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعضه أبدا ليردوا علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل لمن بدل بعدي متفق عليه 44e question qui est s'il te dit y a-t-il dans la religion une bonne innovation dit toute innovation est un égarement et la preuve est le hadith de Al-Irbad mentionné au 19e point dans lequel il est dit toute innovation est égarement et le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il faisait un sermon, sa khutba, quoi qu'il advienne. Amma ba'd, en vrai, on traduit par quoi qu'il advienne, et non pas par ceci dit. C'est une erreur. Amma ba'd, le plus proche, est de traduire par quoi qu'il advienne. Qal, il a dit, la meilleure parole est le livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les inventions en religion. Et toute innovation est un égarement. Apporté par Muslim. Et d'après Abu Sa'id al-Khudari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis votre devancier au bassin. C'est-à-dire son bassin à lui. Yom al-Qiyamah. Celui qui y parviendra, il boira. Et celui qui y boira n'aura plus jamais soif après ça. Des gens que je connaîtrai, qui me connaîtront, viendront à moi. Puis on le séparera de moi. Je dirai, ils sont de moi. C'est-à-dire de ma communauté. On me dira, tu ignores ce qu'ils ont modifié, c'est-à-dire innové après toi. Je dirai alors, que soit éloigné celui qui a modifié après moi. Donc tous ces adillah kazalik sont venus pour démontrer qu'en religion, il n'y a pas d'innovation qui soit bonne. Awalan, al-bid'a, la bid'a, l'innovation, quelle est-elle? Yani laha ta'arif kathira. Beaucoup de définitions ont été données. Wal-khurasa yuqal anna kulla fi'alin uhditha ba'd mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'mal bih wa qusida bihi at-ta'abbud. C'est-à-dire toute action qui a eu lieu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a pas lui-même appliqué et dont le but est l'adoration, alors cela est une innovation en religion. Donc il y a un qaïd mohim, une condition importante qui est kusidabiye ta'abud, le fait qu'on ait voulu parler d'une adoration. Car l'innovation en dunya, il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, sinon on ne pourrait plus vivre avec ce qui se passe aujourd'hui. Les voitures, les avions, les téléphones, les ordinateurs, voilà les alikas. Ce sont des choses innovées, mais qui touchent à la dunya. Là, on parle de la religion. En religion, il n'y a pas de choses nouvelles à rajouter. Aucune. Et comme les ulama le disent, celui qui viendrait à rajouter, qui viendrait avec une innovation en religion, cela viendrait à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa mission. Il est parti sans avoir enseigné tout ce qu'il avait à savoir. Chose qui est un mensonge. Comme a dit Aïcha, radiallahu anha, من حدث كان محمد كذب أو كتم فقد كذب. ثم قرأت قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Que Aïcha a été interrogée par Masrouk et elle dit que celui qui te dit que Mohammed a caché, c'est-à-dire a dissimulé ou n'a pas tout dit, aura cette menti. Et ensuite elle lit la parole d'Allah dans le sens où elle dit « Oh, le messager transmet ce qui t'est venu de ton Seigneur. » C'est un ordre. Donc il a tout retransmis. Comme a dit Ta'ala, « Elyum akmaltu lakum dinakum, watmemtu alikum ni'amati, waraditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc la religion, elle est terminée. Il n'y a rien à y rajouter. Elle est complète, parfaite. Donc maintenant, des gens, eux, ils ont des choubouettes en disant qu'il y a des bonnes innovations en religion. Par exemple, parmi leurs choubouettes, ils se servent du hadith de Jabir ibn Abdillah al-Bajali, rapporté par Muslim. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man sanna fi l'islam sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'du, kutiba lahu misl ajri man amila biha, wa la yankusu min ujurihim shay'un. » وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَنْكُسُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après qu'il ait vu des hommes, des indigents, qu'il a encouragé les gens à faire sadaqa sur eux, il a dit que celui qui fait en islam une bonne tradition et qui est suivi par la suite, par les gens, alors sa récompense lui sera accordée plus celle de ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne réduise en rien de leur récompense. Et celui, contrairement à cela, qui fait une mauvaise traduction en islam, et qu'elle sera accomplie par la suite, alors lui aura son péché de l'avoir lancé, puis, en plus, le péché de ceux qui l'auront suivi en cela, sans que cela ne réduise de leur châtiment. Donc des gens ont dit, par ce hadith, il y a des bonnes sunnas qu'on peut faire. Naam. Et la réponse, c'est que déjà, le hadith de Jabir, en fait, il l'a dit, « Kul bid'atin dalala » « Toute innovation est égarement. » Donc, en langue arabe, « Kul », comme on voit dans « Ilm usul fiqh », les fondements de la jurisprudence, le mot « Kul », qui veut dire « tout », c'est un mot parmi les termes de généralité, qui englobe tout. Tant qu'on n'a pas une chose qui le spécifie. Là, il a dit « kul bid'at », c'est-à-dire toute innovation, sans exception, premièrement. Et deuxièmement, ce hadith ne va pas dans le sens qu'ils l'entendent. Car à la base, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de faire sadaqa à cet homme. Donc c'est une chose qui était légiférée, il l'a encouragé. Alors que eux viennent avec des choses qui n'ont pas de précédent, ça n'a rien à voir. Et également, parmi leurs shubuhat, le hadith ou le athar rapporté selon Omar, dans le Muwatta de l'imam Malik, lorsque Omar a dit par rapport à Salat Tarawih, lorsque les gens, ils voyaient les gens faire Salat Tarawih, chacun dans son coin dispersé, il les a tous réunis ensemble, et il a dit, Ni'mat al-bid'a hadihi, quelle bonne innovation qu'est celle-ci. Donc eux, ils ont dit, Omar a dit qu'il y a une bonne innovation. Donc cela amène à ce qu'on puisse faire des innovations en religion si elles sont bonnes. Donc également, cette chouborette, elle est, on y répond sous deux angles. Premier angle, c'est que le mot bid'a ici, c'est venu dans le sens de littéraire. Et non pas le sens de la législation. C'est-à-dire une chose nouvelle du fait que, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun des sahaba n'agit de la sorte. Donc lui, il a dit ça de façon littéraire. Que personne parmi les sahaba ne l'a précédé en cela. Et deuxième angle, c'est que tout simplement, ce tarawih en groupe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il l'a fait lui-même. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle en religion. Cela contredit la définition qu'on a donnée au début. Vu qu'il l'a fait, d'accord, donc ce n'est pas une chose inventée. C'est une chose qui est non-origine en religion. Juste que Omar l'a revivifié après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris, les deux autres questions qui sont le tawassul, et ces trois genres, qui sont le tawassul par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les actions pieuses et par la vocation de l'homme pieux. Et deuxième question qu'on a appris, qui était, est-ce qu'en religion il y a une bonne innovation? Hakada. Fabi hadakod naktafi, walhamdulillahi rabbil alamin.